Nuyu naa leen mbokk, yéen ñi may déglu, waaw, yéen ñëpp ci leboon point comme maa leen di bége, namoon naa leen nag. Bon, bii benn interrogation la woon quoi, interrogation entre ay ñàkk. Bon, kenn ki ne ko, c'est quoi un mammifère? Ne ko, un mammifère c'est un animal qui mange du fer. Ne ko, qu'est-ce qu'un vivipare? Ne ko, un vivipare c'est un animal qui vit à part. Ne ko, exemple, ne ko, Satan. Mais pourquoi Satan? Ne ko, Satan il vit à part, non? Il n'a pas de camarade, il n'a pas de fils. Donc, c'est un vivipare. On est que. Qu'est-ce qu'un gaz? On est que un gaz, tu es pressé. Tu vas aux toilettes. Tu ouvres toilette. Premier vent qui te frappe, c'est un gaz. C'est un gaz évaporatoire. Évaporatoire. Donc, monsieur, vous avez étudié la géographie? On est que oui, j'ai étudié la géographie. Que veut dire France? On est que force de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. On est que force? Force de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. C'est laborieux. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est un objet que tu peux te voir dedans. Exemple, photo. Mais pourquoi photo? Quand tu prends ta photo, tu ne te vois pas dedans. Qu'est-ce qu'un objet transparent? Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu peux voir de l'autre côté. Exemple, grillage. Mais comment ça, grillage? Quand tu mets grillage devant une maison, tu ne vois pas la maison, non? Bon, dernière question. Il paraît que vous avez fait des études en Angleterre et vous avez enseigné l'anglais pendant 8 heures là-bas. Oui, j'ai enseigné l'anglais pendant 8 heures. Bon. 1 en anglais. 1, 2, 3, 5, 5, 10, 10, 20, 10, 10, 30, 10, 10, 10, 50, 10, 10, 10, 10, 10. Et 1000 alors. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. On n'est pas arrivé à 1000. Ah, 1000. Ok, bégayant.